Malgré le froid, la baronne fit apporter un siège afin de le regarder travailler. Puis elle demanda une chaufferette pour ses pieds qui se glaçaient. Elle se mit tranquillement à causer avec le peintre, l'interrogeant sur des alliances qu'elle ignorait, sur les morts et les naissances nouvelles, complétant par ses renseignements l'arbre des généalogies qu'elle portait en sa mémoire. Julien était demeuré près de sa belle-mère, à cheval sur une chaise. Il fumait sa pipe, crachait par terre, écoutait et suivait de l'œil la mise en couleur de sa noblesse. Bientôt, le père Simon, qui se rendait au potager avec sa bêche sur l'épaule, s'arrêta lui-même pour considérer le travail. Et l'arrivée de bataille ayant pénétré dans les deux fermes, les deux fermières ne tardèrent point à se présenter. Elles s'extasiaient, debout, aux deux côtés de la Béronne, répétant « Faut de l'adresse tout de même, pour fignoler ces machines-là. » L'exécution des deux portières ne purent être terminées que le lendemain, vers 11 heures. Tout le monde aussitôt fut présent, et on tira la calèche dehors pour mieux juger. C'était parfait. On complimenta Bataille, qui repartit avec sa boîte accrochée au dos. Et le baron, sa femme, Jeanne et Julien tombèrent d'accord sur ce point que le peintre était un garçon de grands moyens qui, si les circonstances l'avaient permis, serait devenu, sans aucun doute, un artiste.